Bonsoir à tous et bienvenue dans On ira bien qui verra le dernier pour sa deuxième émission. Comme chaque quatrième dimanche du mois à 19h, nous partons à la découverte d'un musicien, de son univers et de son son, puisqu'une partie de l'émission est consacrée au live, en direct, des studios de Panic. Ce dimanche, DJ P à la technique et moi-même recevons Daniel Barbenel, alias Mr Diagonal, compositeur, chanteur, pianiste. Et pour commencer l'émission, un morceau choisi par l'invité. On déplie ses oreilles et on écoute. Indulge this old easy rider. Outside boots to rust in peace. Until the young men from the bin vans bring merciful release. My life is a broken bicycle. My life is a broken bike. My life is a broken bicycle. My life is a broken bike. My life is a broken bicycle. Take that in any way you like. One time, you know, I was a boy racer, a dream beneath the Christmas tree. Boys in tank tops and grey shorts came running around to see. I raced round the block against tricycles. My pace was much acclaimed. Sunday service with spanners, bright blue, metallic paint. But now, as I soak in a puddle, my racing days are gone. Spokes in a bit of a muddle, handlebars completely mangled. My brake's a broken dream. Now you will find me by moonlight, marooned by the motorway. Left out on a lonely hillside, I dream of the Milky Way. Sometimes I'm at home in the park pond, dissolved each passing day. My wife is a melting icicle. My wife is a melting icicle. Take that in any way you like. Now I'm confused with a trolley, where half a brolly lives without care. There do I crouch in the holly with one welly, the worst for wear. Merci Dan, j'espère que comme nous, vous appréciez un petit concert privé. Donc, Broken Bicycle, ce que tu viens donc de chanter, issu de ton premier album à le Blacklight Orchestra. Et justement, la plupart d'entre nous te connaissons grâce au Blacklight Orchestra, dont tu es le fondateur, et le compositeur, et le pianiste, et le chanteur. Comment tu t'es retrouvé en 2005 à faire de la musique avec quatre Belges comme ça? En fait, le projet 2005 et le projet du Blacklight Orchestra s'est démarré avec une comédie musicale, disons, ésotérique, ou à vrai dire, plus ou moins incompréhensible, qui parlait d'une histoire avec un lapin rouge et un énorme Mickey, un grand vert blanc et d'autres personnages farfelus. Et donc, on s'est réunis, en fait, pour ça. On avait quelques dates de présentation en fin de l'année, pour les fêtes de fin d'année, pour les familles. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment adapté aux familles. Je vois les enfants ont vu Mickey mis à mort par Red Rabbit pour les fêtes de fin d'année. Mais bon, je pense que ça les a enseigné une vérité vraie. Mmh. Et donc, ça a commencé sur une forme comme ça, mise en scène, costume. Et puis, finalement, vous êtes allé vers des concerts un peu plus traditionnels. Oui, enfin, nos concerts n'ont jamais été très traditionnels. Mais c'est vrai qu'on a un peu moins porté sur la question de costume pour le moment, mais ça va revenir. En fait, l'année prochaine, il y aura une nouvelle aventure théâtrale du Blacklight dont on va en parler un autre moment. Très bien. Et on trouve à la fois beaucoup d'humour et une rigueur musicale dans ce que tu fais, notamment dans le Blacklight. Toi, c'est ta manière aussi d'envisager la musique. Ben, en fait, avant, je suis venu en Belgique. Ma musique était moins drôle. Enfin, il y avait quand même des moments drôles, mais je faisais des chansons un peu plus sérieuses, parfois plus romantiques. Mais bon, j'ai vite compris que ça se passait pas vraiment en Belgique. De toute façon, les gens ne comprenaient pas et qu'on n'avait pas vraiment le droit de se prendre au sérieux, au moins pas sur scène. Donc, ça c'est vraiment grâce à la Belgique que je suis venu là. Et vous avez, avec le Blacklight Orchestra, sorti votre premier album en Belgique, sur un label belge, Obi Records, avec des morceaux qui sonnent vraiment comme des tubes. Enfin, il y en a dans des concerts, les gens connaissent par cœur, Buzzy Bee, Space Bunny. Comment tu vois aussi ces musiques maintenant, on en parlera plus tard, que vous avez déjà enregistré le deuxième album. Comment tu vois ce premier album? Je pense que... Beaucoup de musiciens, c'est impossible d'écouter ces disques. Après passer autant de temps sur un disque, on a vraiment envie de le foutre au fond d'un placard et oublier. Mais n'empêche, il y a quand même des chansons. Je ne suis pas très, très bon vendeur là, pour mes disques. Le disque est quand même très chouette. Et des morceaux que j'aime bien. Surtout Busy Bee. Busy Bee... qui a été écrit pour la comédie musicale, pour Yannick en costume de Bourdon. C'est une commande, si tu veux. On va écouter, pour les auditeurs curieux, Sweet 17. Tu avais envie qu'on écoute ce morceau du premier album. Pourquoi? Sweet 17, donc, c'est une chanson sur la haute finance. C'est aussi intitulé le CEO, qui veut dire le PDG. Et donc, c'est une chanson de Momi de la haute finance. Il raconte sa histoire, comme il a monté les échelons, tout en descendant dans les sous-sols de la finance internationale. Et j'écris cette chanson donc en 2005, donc quelques années quand même avant le crash. Et je trouve quelque part, c'est... C'est visionnaire de ta part. Oui, c'est extrêmement visionnaire, voilà. C'est toi qui l'as dit. Oui. I remember my first job, Sweet 17. The work was real dirty, but my nose stayed clean. I worked hard, I sweated, pulled up my socks. I made my own chances. When opportunity knocks, the summer of my days, I spent reeling in my case. I stepped out with ladies, black and cream, were my Mercedes, a baby by my dream. My first wife passed away, so sad. In her golden age, but I owe my thanks to the dear old dog. his business. And strings got pulled. Me, my good friend, Mr. Head of State. So glad to see you fall for my bait. New York, Paris, Tokyo, Hong Kong, Rio, Jakarta, Baghdad, Kabul, the dot-com bubble. My share was hot, I got it on the double. And I loved off late. On when that bubble burst, so why? I got first into real estate. Now I've got the itch on the richest death that ever stuffed a teach boom a burst. I just don't care. Studio de Radio Panique pour Où ira bien, qui ira le dernier ce soir avec Mr. Diagonal. On vient d'entendre Sweet 17, donc le morceau de ton premier album avec le Black Light Orchestra. Tu utilises le format chanson, c'est ta manière de composer, souvent couplet, refrain. C'est un format assez classique et pourtant ta musique est originale. Hein. Comment ça se passe? Où est-ce que tu vas trouver l'originalité? Oui, effectivement, c'est très, très classique, la formule couplet, refrain, etc. etc. Mais bon, là-dedans, on peut quand même trouver beaucoup de nouveautés dans la musique, dans les langages. Cela dit, le prochain projet avec Black Light, ça ne sera pas des chansons. Pour la première fois, allons créer une musique instrumentale et purement pour accompagner l'action sur scène. Donc ça, c'est une nouvelle aventure pour moi. Et tes paroles, tu disais le langage. C'est vrai que tes paroles ont une grande importance. Hein. C'est des chansons. Et justement, tu t'adresses en anglais à des personnes souvent, en tout cas ici, francophones. Comment tu le vis, ça? Bah, c'est un peu con, quoi. En fait, à vrai dire, j'ai jamais joué chez moi. Enfin, pas depuis 20 ans, au moins. À part cet été, où je me trouvais dans un B&B sur l'île de Mull. Et là, j'ai fait un petit concert pour les vacanciers. Et c'était sympathique. Et je ne sais pas pourquoi, mais voilà, je me trouve que jouer pour des publics qui ne comprennent pas les paroles. Blacklight a joué donc en Allemagne, en Belgique, en France et au Japon. Et quand même si les gens ne comprennent pas toutes les paroles, je pense qu'ils comprennent l'esprit du groupe et ils comprennent quelque chose. Mais c'est quand même un peu frustrant par moment. C'est un peu frustrant. Et je voudrais qu'on parle un peu de tes sources d'inspiration. Et peut-être, pour ça, commencer par un morceau en studio. Si tu veux bien, tu me parlais de School Prices, c'est ça? Oui, School Prices, donc c'est une nouvelle chanson, c'est les souvenirs de, comment dire, distribution des prix. Cérémonie, distribution de prix, oui. Voilà. Et en fait, c'est d'un part, c'est des souvenirs de mon école. Et de notre part, c'est inspiré par notre participation au Kampenschap, donc un concours de jeunes groupes de pop. Je ne sais pas comment, par quel biais on se trouvait là-dedans. Mais bon, cette année, on a participé au Kampenschap. Et on se trouvait sur scène, l'ancienne Belgique, en compétition avec un poignet de jeunes loups dans des groupes plutôt pop. Oui, pop rock, et au milieu de tout ça, le Blacklight. Et voilà, je trouve que, on était un peu hors concours, mais bon, j'ai attendu quand même une petite reconnaissance. Et donc, on a entendu quand même pour la distribution des prix. Et en fait, il y avait beaucoup de prix. Quasi tout le monde a gagné des prix. On attendait jusqu'aux dernières minutes pour voir s'il n'y avait pas le premier prix. Et non, en fait, on n'avait su rien du tout. En fait, le concours était vraiment juste... C'était juste un concours pour humilier le Blacklight Orchestra, en fait. Mais à ce moment-là, mon ami Jackson, il m'a dit « Ah, it's like school prize day ». And all the memories flooded back to me. So this is school prizes. It was the last day at school, the day they give out prizes to all the good boys and girls getting their school prizes. Alan Girdwood, Spotty Swat, first in ancient history. Graham Five looked so nice in his shirt and collar. The top dogs down the catwalk march, looking smart and brainy, looking down their nose at me with the new school prizes. Donald Irvin, Spotty, Donald Irvin, great big dick, seen it in the shower. He's so thick, but the chicks love a rugga bugger. I very nearly wet my pants over a certain lady. Maybe she will notice me if I win school prizes. Robert White, 6'3", also known as Pixie. Matthew Levine walked off with 3 regimental medals. Me, now I'm sweet 16, surely I am able to win the Golden Globe. School Olympic gold, school prize. For rock and roll. Dr. J. Gilmore, PhD, feeling kind of woozy. wipes his mouth on his gown and draws the winning ticket. Now the school prize for popular entertainment, also known as the school prize, the school prize, the school prize for rock and roll, goes to Heartbeat, Heartbeat. I can see you walking down the dead end street. Heartbeat, Heartbeat. Make a U-turn for Jesus, your Lord. Make a U-turn for Jesus, your Lord. Heartbeat, then. A Jewish Jesus rock band from the Isle of Lewis have scooped the cup. Well done, chaps. Clap, clap. See you next year at the Campion's Gap. Merci, Dan. Donc, pour School Prices, tu nous racontais l'origine de cette chanson qui est une aventure qui vous arrive avec le Blacklight. Quelles sont tes autres sources? Je crois que peut-être tes vacances ou aussi tes rêves. Où est-ce que tu vas puiser un peu ces paroles, cette poésie? Je ne prends pas beaucoup de vacances. Est-ce que j'ai des chansons inspirées par des vacances? Non, pas vraiment. Par contre, par des Holiday rêves... Holiday on Ice? Oui, c'est un drôle de vacances. Holiday on Ice, oui, si tu veux, c'est la dernière vacances. On l'entendra plus tard. Il y a quelques chansons qui sont inspirées par des rêves, qui viennent dans des rêves, ou dans le cadre de la prochaine qu'on va écouter, qui venaient dans la rêve d'une copine. The Minor Bird, oui, c'est une vieille chanson que j'ai enregistrée en 99. Mais juste, vous voyez, donc c'est dans Red Rabbit. C'était qui, juste Red Rabbit, histoire de resituer un peu en 99, qu'est-ce que tu faisais? En fait, en 99, je vivais dans un caravan, dans le Devon, en Angleterre, et j'avais un groupe très compliqué, avec beaucoup de musiciens. On n'arrivait jamais à réunir tout le monde. Ce qui s'appelait Red Rabbit and the Higher Consciousness Orchestra. Et avec cette formule, on a fait une EP. C'est un disque avec cinq titres. Et notamment le morceau The Minor Bird, avec un trio de cordes. Je dois dire tout de suite que la chanson était très très ambitieuse et c'est un peu raté. C'était vraiment une fantasy orchestrale. J'avais ni l'orchestre ni vraiment la technique vocale pour le... Mais tu avais le sujet qui était le rêve d'une amie. Oui, donc en fait c'était une amie avec qui je travaillais au Japon il y a longtemps. Et une nuit, elle s'est endormie et dans son rêve, elle a entendu une chanson. Et j'étais en train de chanter une chanson avec un orchestre. Et elle se réveille, elle dicte avec son dictaphone, elle enregistre des bribes de mélodie. Et puis après, j'essaie de réécrire la chanson. Et voilà, c'est une chanson très étrange, très surréaliste. Je ne comprends toujours pas de quoi ça parle, mais... Bon, on va l'écouter. En écoutant The Minor Bird et Red Rabbit. In the evening when the elevator cries, the violins gleaming and the lampshade fights the fire. Old woman creeping through a tangled mass of light. Turn your nose and thank me. thank me. You turn your nose and thank me. You turn your nose and thank me. One in line. Retour à Panique avec Dan, Mr. Diagonal. On vient d'entendre un vieux morceau à toi d'un groupe quand tu vivais encore en Grande-Bretagne, Red Rabbit. Et quelle musique t'ont influencé, quels artistes, quand on écoute un peu ton travail, enfin, je vais t'en citer peut-être quelques-uns et tu vas me dire qu'est-ce que ça évoque pour toi si je dis Frank Zappa. À vrai dire, j'ai jamais beaucoup écouté Frank Zappa. Récemment, j'ai regardé un concert de lui, un enregistrement de concert. Et je trouve ça, oui, c'est très impressionnant. C'est très impressionnant. Je sens pas forcément beaucoup de plus que ça d'affinité avec lui, ni forcément assez Après, il a fait des choses très différentes, mais oui, dans je pense à Pitch en Regalia ou avec des mélodies assez légères, non? Oui, c'est très gay à côté. J'ai lu son autobiographie et je trouve que c'était très drôle. Après, je suis aussi pas tout à fait d'accord avec il est un peu comme un homophobe et tout. Frank Zappa. Il y a un côté. Il est très vulgaire comme tout ça. Mais bon, c'est pas toujours forcément une mauvaise chose, mais. Je suis pas emballé par tout ce qu'il a fait. Et des chansons des Monty Python. Oui, les Monty Python, c'est un autre truc, en fait. J'ai regardé ça récemment, en fait. J'ai jamais eu de télé quand j'étais enfant, donc j'ai raté toutes ces séries la première fois. Donc, j'ai découvert ça récemment. Et oui, certaines chansons qui sont superbes. J'aime surtout le Penis Song. Qui se trouve, tu vois, cela se trouve, c'est un monsieur un peu habillé, style Noel Coward, en costard, qui joue dans un salon de thé, il fait une chanson sur son pénis. Peut-être, là, il y a un partage de l'humour anglais, peut-être, avec eux. Non ? C'est une question. s'il y a un humour anglais peut-être commun, ou quand on disait tout à l'heure qu'il y avait de l'humour, je sais pas où est-ce que tu le Oui, c'est pas forcément anglais, en fait, c'est en Écosse, on a des choses comme ça aussi. Ouais. Dans le... Par exemple, Ivor Cutler, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, et il n'est pas très connu ici. C'est un vieux, enfin, en fait, il n'est pas vieux, enfin, maintenant aussi, mais il a toujours joué ce rôle d'un vieux... Un vieux écossais dans son salon, il fait des petites chansons débiles, le harmonium. C'est très bien, des petites histoires surréalistes sur l'Écosse profonde. Ça, j'aime beaucoup. Un autre musicien, Vandyk Parks, que tu aimes bien ou que tu as aimé, c'est une indication de Jean-Paul, technicien, qui sait ça. Vandyk Parks, oui, c'est fabuleux. Un personnage mystérieux, mythique. Si vous ne connaissez pas Vandyk Parks, il est connu pour un disque en particulier qu'il est sorti en 68, qui s'appelle Song Cycle. C'est une collection de chansons baroques qui partent dans tous les sens. C'est vraiment comme un gamin qui s'amuse dans un magasin de musique. Avec des orchestrations vraiment étranges et merveilleuses. Et c'est un disque qui n'est pas du tout vendu, mais qui est devenu vraiment un disque de légende, comme ça. Et en fait, j'ai arrivé cette année à contacter Vandyk Parks par mail, parce que j'étais très flatté que certains gens me comparaient avec lui. Donc, j'ai envoyé un mail pour demander est-ce que c'était vrai qu'il y avait une ressemblance. Finalement, il m'a répondu non, je peux vous rassurer, il n'y a aucune ressemblance entre nous. Bon. Mais j'aime bien quand même. Oui, oui, oui. Tu n'as pas de rancœur envers lui. Oui, les comédies musicales américaines. Oh! Mon préféré dans tout ça, c'est The 10,000 Fingers of Dr. T. C'est une comédie musicale faite par Dr. Seuss, qui était un auteur de livres d'enfants américains, The Cat in the Hat, si vous connaissez, le chat. Comment tu dis ça? Ouais, c'est le chat chapeauté. Le chat chapeauté. J'allais dire le chat saboté. Donc, ça, c'est une comédie musicale avec un super décor quand même. C'est une histoire d'un enfant qui est kidnappé par son prof de piano, amené dans un château. Et il y a des centaines de gosses qui sont accrochés à un énorme piano et il doit jouer du piano tout le temps. Ça, c'est chouette. Sinon... Allez, les comédies musicales, c'est toujours un peu kitsch, quoi. C'est toujours décevant. Il n'y a pas un côté kitsch dans ta musique? Ah bah si, bien sûr. Kitsch, mais pas décevant. C'est ça. Donc, justement, pas décevant. Parlons de ton deuxième album, Dan. L'album que vous allez sortir avec le Black Light Orchestra, qui s'appelle Late Victorian. de quoi ça parle? En fait, l'album est à l'usine en Pologne. J'attends qu'il démarre la machine. C'est pas encore pressé. Ils sont pas pressés là-bas. Oui, c'est vrai que je vois Red Rabbit, vous étiez produit par Red Rabbit Records. J'imagine que c'était de l'autoprod. Oui, on revient chez eux pour ce disque. Le premier était sorti chez Obi Records. Là, comment ça se fait? Enfin, qu'est-ce qui se passe avec les labels pour vous, pour ce deuxième album? Mais le premier disque a été fait avec... un ami, Michel Van Achter, qui a un label à Liège, qui est très bien, qui est surtout connu pour la musique folk. Et c'était un bonheur de travailler avec lui. Après, c'est un très petit label, il n'a pas vraiment pu assurer une distribution. Par exemple, je suis allé au FNAC pour voir s'ils ont reçu le disque. Et voilà, au Fnac, je trouve le disque dans la section Musique du Monde Wallonie. Mince. Donc, on n'a pas beaucoup vendu au Fnac. Mm. Donc, je me suis dit, allez, on va faire le prochain disque en auto-prod. D'accord. Donc, il est vraiment pressé en Pologne, là ? Il est à l'usine en Pologne, oui. Et de quoi ça parle, donc ? Et en quoi c'est différent du premier ? En quoi ça a évolué depuis le premier album ? On a voulu faire quelque chose de plus simple, un petit peu moins orchestré, un petit peu plus direct. Et c'est quand même un disque qui a certaines palettes différentes dans le son. Il y a des morceaux qui restent music hall, si tu veux, et des morceaux qui sont plus intimes, avec des cordes, un trio de cordes baroque. Oui, tu as fait intervenir d'autres musiciens que tes musiciens habituels. Peut-être juste on peut les citer aussi. Hein. Donc, Oui, le nouveau disque, c'est donc... Late Victorian. Late Victorian, c'est avec Anne Bernard, joue de la Ville de Gombe, et avec deux amis à elle, Christine Lejeune, et le troisième, j'oublie son nom. Mais aussi d'inviter Benjamin Clément, joue de banjo, et une petite intervention de Manu Louis à la guitare et pour le chœur. Est-ce qu'on écouterait Frogman ? Frogman qui est... que tu vas jouer ? Non, je ne vais pas le jouer, juste, je veux dire, c'est en fait le morceau le moins typique du disque. Ouais. C'est un morceau électro-rétro. Et Police Frogman, ça s'appelle, c'est une histoire d'un plongeur de flic. When I have a perfect face of indeterminate race and sex and perfect skin, I will be the king. I will find a dream ticket in your box of chocolates. When you bite the final twiglet, you'll awake the king of Neverland. Is this Beverly Hills or Antarctica? Are we lost at the fair, or are we somewhere in my best friend's a chimpanzee, is that so extraordinary? Leave your egos in the hall. Et donc ici pour introduire Frogman, Police Frogman, on vient d'entendre un extrait de Neverland qui était sur la mort de Michael Jackson. Oui, ça c'était une chanson sur la mort de Michael Jackson que j'ai écrit en fait... plusieurs mois avant qu'il est mort. Tadam. C'est encore ton génie visionnaire. Donc, on va maintenant écouter le bon Police Frogman. Est-ce qu'il y a un lien entre Neverland et Police Frogman ? Entre la mort de Michael Jackson et l'homme grenouille ? C'est une descente en enfer, quoi. Treacherous water of a lecherous limehouse, stuck with the wake of floating white scum and plastic cups. We discovered a man cub in a rusting escort. Parts with forensic did their sums for counting wormwood scrubs. Oh, Donc c'était Frogman du deuxième album bientôt à sortir quand il sera revenu pressé de Pologne. Late Victorian, c'est le nom de ton deuxième album. Pourquoi ? C'est aussi le nom d'un morceau, c'est ça ? Oui, il y a un morceau sur le disque qui s'appelle Late Victorian. Un morceau très méditatif, un peu suspendu dans l'air comme ça. Et l'idée de Late Victorian, c'est... Bon, l'époque victorienne, chez nous, c'était le 19e siècle, quand on était les maîtres du monde. Et donc, c'est un disque qui parle un peu de fin d'une époque, ou plutôt des époques qui se confondent. Donc, on se trouve là-dedans des cordes baroques qui mélangent parfois avec des sons techno, rétro. Et c'est aussi un album un peu rétrospectif dans le sens que ça traite quelques thèmes ces dernières années. Il y a une chanson comique sur la guerre en Irak, par exemple. Il y a ce morceau sur le mort de Michael Jackson. Et c'est un disque, je pense, qui est un peu... qui parle plus de notre époque que des choses qui se passent dans le monde, que le premier disque qui était vraiment plutôt parti dans le fantastique. Donc finalement, l'aide victorienne comme époque contemporaine. Si tu veux. Donc vous pourrez aller écouter le Black Light Orchestra et ce nouvel album, j'imagine que c'est ce que tu joueras, le 4 décembre et le 8 décembre. Donc le 4, on va commencer par le 4, vous jouez à la cellule 133 à Saint-Gilles. Hein. En solo. En solo, oui. D'accord, très bien. Et justement, tu comptes tourner pas mal en solo avec cet album ou... Est-ce que c'est aussi des facilités de diffusion ou est-ce que c'est un choix, est-ce que c'est une envie aussi de jouer seul? J'aime les deux. J'ai joué solo avant le Black Light et j'aime bien. Ça donne, c'est beaucoup plus de liberté, c'est beaucoup moins de déménagement. Et à la cellule, le 4 décembre, il y a un beau piano à queue. C'est notre ambiance, quoi. C'est plus chaleureux. Plus cosy. C'est cosy. Ouais. Et il y a un guest, c'est qui, le Tom Mitté? Le Tom Mitté, c'est un drôle de bonhomme qui s'appelle McLeod. Il joue aussi dans le groupe Les OK. Et c'est un monsieur, quand il joue en solo, ça me rappelle quand même pas mal Ivor Cutler, bien que c'est un Américain, pas un Écossais. C'est des petites micro-chansons surréalistes accompagnées d'instruments bricolés. Et c'est vraiment très drôle. Donc, je l'ai invité donc, pour le 4 décembre à la cellule 133. Et donc, avec le groupe, vous jouerez le 8 décembre au Magic Mirrors, qui a l'air Place Sainte-Catherine, hein, un lieu qui s'est installé là, qui a l'air très beau, qui déménage un peu partout d'ailleurs en Europe. Et vous jouez là à 21h, c'est 8 euros le 8 décembre. Pour retrouver ces dates, vous pouvez aller sur le site du Blacklight Orchestra, blacklightorchestra.org, ou sur votre MySpace, plutôt même, MySpace / Blacklight Orchestra. Voilà. Et vous trouvez ces liens sur le blog de Où ira bien, qui où ira le dernier, ouirabien.blogspot.com. Comme. C'est bien ça, Jean-Paul ? C'est tout à fait ça. Très bien. Écoute, pour finir un peu de clôturer sur ce deuxième album, dont la vie commence, peut-être tu peux nous jouer un morceau, Holiday on Ice, qu'on évoquait tout à l'heure. Avec plaisir. Donc, c'est le premier morceau sur le disque. A holiday on ice. Let's fly away today to paradise, a holiday on ice. Let's fly away today to paradise. Donkeys were banned beside the seaside, cause of the mess they made at low tide. Just close your eyes and it will disappear. Crack another pack of iced beer. A holiday on ice. Let's fly away today to paradise. A holiday on ice. We booked a bargain getaway for 99p plus the excess baggage fee. Feel so good, don't want to go back. Making doilies of the ice cap. Sit back, in your lap, don't face the facts. We are on holiday, and that's that. A holiday on ice, a holiday on ice. Let's fly away today to paradise. A holiday on ice, a holiday on ice. Let's all wave our flags and cheer the gaping gap appearing in the stratosphere. I'll think about that in the morning, or just before the final warning. Click, clack, kick off your shoes, it's fun, fun, fun. Sticky lollies in the noon sun. A holiday on ice, a holiday on ice. Let's fly away today to paradise. A holiday on ice, a holiday on ice. Let's all raise a glass and toast ourselves into cannibals of the English coast. Water rising up the poop deck, but we're only up to our neck. Don't run, don't panic, what the heck, relax. Full steam ahead on the Titanic. A holiday on ice, a holiday on ice. Let's fly away today to paradise. A holiday on ice, a holiday on ice. We've 5 more years of summer days, 5 more years of fun before we fizzle out like gravy on the fireplace. I'll think about that in the... C'était Mister Diagonal en solo pour Radio Panique et Où ira bien, qui où ira le dernier. Il nous reste à peine quelques minutes. Dan, j'avais envie, je pensais parler un peu de d'autres formations ou collaborations auxquelles tu participes. Peut-être du coup on va être un peu sélectif. Je pensais à Schmetterling, si je le dis bien, qui est un projet de chanson d'amour. Aussi Buenos Aires, Bruxelles Aires, qui est un projet de tango, qui est a priori très loin de ta musique d'origine, mais enfin, ta culture d'origine. Et peut-être aussi ce que tu as fait, ce que tu vas faire avec Philippe Tasquin, je ne sais pas, voilà. De quoi on pourrait parler ? En fait, le concert avec Philippe Tasquin était hier. Ah ! Et avant-hier. Ouais, c'était à la Samaritaine, c'est oui, ça ? Oui, oui, oui. Mais Philippe, il joue pendant 10 jours à la Samaritaine. Ouais, c'est quelqu'un où, à un moment donné, vos univers se sont rejoints un peu. Il est, lui aussi, il est compositeur, pianiste. Il a... oui, un univers proche des comédies musicales. Est-ce que tu peux nous dire juste quelques mots sur Philippe Tasquin ? C'est un chansonnier, acteur, comédien, vraiment qui fait la musique vraiment très extravagant dans l'orchestration, dans les propos, dans les mélodies. Très compliqué, très rempli, mais très chouette, quoi, très varié. Mais tu as joué dans une pièce qu'il a écrite. Hein. Tu as joué une comédie, on peut dire, un conte musical, une comédie musicale. C'était au Marny, au Varia. Non, oui, oui, c'était au Varia. Ouais. C'était mon premier essai. Rôle de comédien. Mais voilà, rôle de comédien. Est-ce que tu t'es retrouvé là? Écoute, c'était une pièce qui n'était pas évidente. J'ai joué le rôle d'un mari dans un mariage forcé, si tu veux. Donc l'histoire n'était pas très confortable. La musique était chouette, l'équipe était très bien. Mais c'était une pièce qui était pas facile à jouer. Et en plus, j'étais très malade. Pendant la saison, on a fait 3 semaines et j'étais très, très, très malade. J'étais verte sur scène. Et donc, du coup, chaque fois, on réjouait le morceau, la pièce, même des mois ou un an plus tard, je tombais malade de nouveau. Donc, c'était une pièce très, très chargée, quoi. Mais c'était bien. J'ai beaucoup appris là-dedans. Peut-être juste quelques mots sur la diffusion, les tournées. Vous avez un lien particulier, tu as un lien, le Black Light a un lien particulier avec le Japon. Tu as des amitiés? Oui, on a des très bons amis au Japon. En fait, moi j'étais au Japon pour la première fois quand j'avais 21 ans, à jouer du guitare dans le métro. Et donc, de cette époque, j'ai toujours des grands amis là-bas. Donc, on a débarqué au Japon en 2006. Et ensuite, deux fois, 2007, 2008 ou 2009. Donc, trois fois avec le Backlight, vous êtes partis en tournée là-bas. Et comment vous avez été reçus par les Japonais? Mais c'est très bien, c'était incroyable. C'est toujours très mystérieux au Japon. Comme ils arrivent à mettre en place un accueil, un public. Parfois, on se demande si ce n'est pas du faux. Si, je veux dire, on n'était pas du tout connus, mais très vite, il y a des gens qui se sont rassemblés, qui sont bien aimés, ce qu'on faisait. Et c'est très étrange au Japon, les mélanges qui se font dans la musique. Sur la même soirée, on peut avoir un groupe reggae à côté d'un duo de musique no, de théâtre traditionnel. Et non, c'était superbe au Japon. Et on a des grands amis qui viennent de temps en temps en Belgique. En fait, c'est déjà l'heure. Merci beaucoup Dan pour ta présence, pour cette after dinner rock and roll. avec Mister Diagonal. On va finir avec un dernier morceau. Qu'est-ce que tu as envie de jouer? Et j'ai combien de temps pour faire ça? Ah, écoute, normalement, on va voir. L'animateur de Reggae on Sunday est déjà là. Mais il 30 est pas... secondes, par exemple. Non, écoute, je ne sais pas, 3 minutes. Ok, je vais essayer de faire vite. Hein. Donc, c'est un nouveau morceau qui va très, très vite. Il y a beaucoup de paroles. Je vais essayer de simplifier. Et c'est une histoire dans le style High School Musical ou bien Fame ou Star Academy, ou wow, une histoire où, très optimiste, où on rencontre des amis, on fait un groupe et on part en tournée mondiale. En ce cas-là, on part en tournée galactique dans une pyramide volante. Ok, parfait pour finir l'émission. Et n'oubliez pas, vous pouvez retrouver cette émission et les précédentes sur ouirabien.blogspot.com. Et n'oubliez pas d'aller voir Mister Diagonal qui passe à la cellule 133, avenue du Pessio. C'est le samedi 4 décembre. Et le 8, le Black Light Orchestra sera au Magic Mirror, place Sainte-Catherine. Merci Dan pour ta présence. Plaisir. Et à bientôt. At the top of the pink pyramid lives a little green luminous man, a silver trumpet in his hand. He's looking so happy, his cat suit is so natty, I'm gonna ask him to play in my band. Hey teddy bear, yes hello there, I play the guitar and I'm making a band. Yes, of course I will. Cranium, the Grand Galactic Stadium, it's gonna be a lot of fun.